Le disque que je vais présenter aujourd'hui, c'est un disque qui est très particulier. Il s'appelle, alors je vous dis tout de suite le nom, et vous allez voir que le nom dit exactement ce qu'il contient, c'est Jungle Obsession. Jungle Obsession, Jungle Obsession, ça pouvait se dire en anglais et en français, et voire dans toutes les langues et pour cause, parce que c'est un disque et c'est l'œuvre plutôt particulière de deux musiciens dont je vais détailler le parcours bientôt, mais je vais, avant d'entrer vraiment dans ce détail-là, parler du contexte qui fait que la musique que vous allez entendre va éclore. Puisqu'en fait, tout ça appartient à un univers qui est celui dit de la musique d'illustration. Les Anglais disent « library music ». La musique d'illustration, c'est une forme de musique honteuse. C'est la fameuse musique au maître, telle qu'on l'appelait dans les années 50, et encore plus 60-70. Alors c'est quoi la musique au maître, en fait ? À partir des années 40, c'est là que va naître officiellement la musique d'illustration, vont se poser la question de préparer à l'avance des bandes-sons pour les musiques de films, pour les génériques de radio, de télé, etc., etc. Et dans les années 60, ces médias se développent au maximum. Donc je reviens justement sur les télés, les génériques de radio, etc. Des départements soit liés à Radio France ou quelque chose comme ça, même si ça ne s'appelait pas Radio France à l'époque, c'était pareil d'ailleurs, la BBC, vont se développer en interne pour faire des musiques homemade, si vous voulez, des musiques fonctionnelles pour habiller un programme, mais aussi des publishers, des éditeurs indépendants vont créer des catalogues à l'usage, et en fait exclusivement à l'usage des professionnels de l'audiovisuel d'alors. Alors, les professionnels de l'audiovisuel, c'est très large. Hein. Ça concerne aussi le cinéma. Un grand, grand client de la musique d'illustration, ce sera effectivement le cinéma. Les compositeurs qu'on va entendre aujourd'hui, ils sont mis à deux pour faire cet album incroyable et sublime Jungle Obsession, sont Nino Nardini et Roger Auger. Nino Nardini, né en 1912, mort en 1994. Nino Nardini, de son vrai nom, en fait, Georges Teperino. Quant à Roger Auger, oui, ça pue le pseudonyme, mais en fait, c'en est pas un. Il s'appelle vraiment comme ça. Et ces deux compositeurs sont ultra prolixes, travaillent pour le cinéma, pour la télé, à qui mieux. Ils se rencontrent sur les bancs de l'école quand ils ont 11 ans ou 12 ans, et depuis, ils ne cessent d'être copains. Je mets légèrement de côté leur parcours. J'y reviendrai après. Et maintenant que j'ai campé de façon générique un petit peu ce qu'était la library music, cette fameuse musique d'illustration, justement, l'illustrer et mettre un petit peu quelques sons dans ma parole. Puisque si le principe de cette émission, Cargo Culte, dit qu'on est là autour d'un album, d'une écoute et d'une longue explication... croyez-moi, je vais vous faire une longue explication, vous l'avez bien mérité, mais je vais aussi donner comme ça quelques petits diapositives de ce qu'était la musique d'illustration. Musique honteuse, mais pas que. Vous savez, la musique, à partir du moment où elle est fonctionnelle, où elle échappe à quelque chose qui soit glamourisé, avec une star du rock en couverture ou quoi que ce soit, peut devenir finalement assez vite ringarde, surtout quand elle est destinée à ce marché-là. Les Anglais ont trouvé une expression plutôt intéressante, je trouve, pour parler de cette musique. Ils parlaient de « mood music », c'est-à-dire des musiques d'humeur. Alors pourquoi des musiques d'humeur ? Il fallait que chaque sentiment puisse être exprimé en quelques mesures pour identifier tout de suite « Ah ben voilà, j'ai besoin d'une musique un peu rigolote, je vais prendre ça, j'ai besoin d'une musique triste, je vais prendre ça. » Et en général, les morceaux étaient très courts, autour de 2 minutes. On va en écouter là quelques-uns d'assez courts. Et voici quelque chose qui rentre dans le domaine du très rigolo. Et c'est justement Nino Nardini qu'on va entendre. Nino Nardini et son dit Funny Moogie, c'est-à-dire un mini Moog qui est dans les années 60 et encore plus 70 un peu un instrument de prédilection pour la musique de synthèse. Là, on doit se retrouver à la fin des années 60, j'ai pas l'année exacte, Et vous allez voir le genre de toute petite joyeuseté qu'on pouvait faire, non pas pour le vendre dans des disquaires à destination du public, parce que le public n'a pas accès à cette musique-là, où c'était finalement un marché par souscription, par correspondance, auprès des professionnels de l'audiovisuel. Nino Nardini nous fait son funny Moogie, car oui, c'est censé être amusant. Voilà, c'était 2 minutes 30 de musique rigolote, musique idiote. C'était paru sur un disque qui était dûment labellisé « Musique idiote » et qui compilait, alors oui, vous avez remarqué, comme c'était un petit peu neuneux. Et la musique d'illustration de l'époque, mais elle est à 90%, et en fait, je pourrais même probablement monter à 95%, ringarde comme celle-ci. À part que celle-ci, dans le genre ringard, est en fait assez fine. C'est-à-dire qu'on y entend déjà des prouesses technologiques. Le Moog, le synthé Moog, en 1967, c'est pas si commun que ça. Et c'est pas l'apanage de n'importe quel groupe de rock. Même les Pink Floyd n'ont pas encore un équipement comme celui-là. Bon, évidemment, ça tardera pas. Hein, et les dinas du rock comme ça et de la pop vont vite un petit peu se doter comme ça d'un service technologique haut de gamme. Mais dans cette compétence-là, dans la musique donc, d'illustration, on recule en fait devant aucun moyen. Et c'est ça qui est d'ailleurs un paradoxe étonnant. C'est-à-dire aucun des artistes qui la composent sont connus pour eux-mêmes. Mais par contre, ils produisent énormément pour... je le rappelle, hein, pour la télé, pour toutes ces choses-là. Et c'est un marché en fait extrêmement lucratif. Donc les gens qui font ça sont grassement payés. Et en fait, très très bien. Mais ce qui est intéressant à signaler, et c'est presque une forme d'avant-garde, c'est que la label music va inventer un marché en fait assez inédit et qui va inspirer des stratégies plus alternatives bien plus tard et dont on est les contemporains aujourd'hui. Justement, en ciblant auprès de communautés, il ne faut pas perdre de temps à faire de la promotion pour vendre des disques dans des endroits généralistes. Ils vont attaquer directement la cible. Les disques sont vendus chers, en fait. Ils sont même plus chers qu'un disque ordinaire. Mais c'est normal, c'est un marché où il y a de l'argent. Je pense au cinéma, la production, la post-production. Voilà. Et les, les auteurs, en fait, sont payés par les droits d'auteur. Ce qui fait que si vous faites une petite joyeuseté un petit peu débile comme celle-ci, mais qui se retrouve ne serait-ce que sur un générique de 40 secondes diffusé à la télévision, une fois par semaine, enfin, sur une fois par jour, ce serait encore plus dingue, c'est un jackpot assuré sur les droits de SACEM. Et Nino Nardini et Roger Roger, alors eux, ils sont jackpot à tous les coups. C'est les Français les plus brillants du truc. Il n'y a pas qu'eux, il y a aussi des Italiens qui sont très bons et des Anglais. Et on va petit à petit tiens, voir un petit peu une certaine différence entre les deux. On écoute à Nino Nardini, Roger Roger et Nino Nardini. En fait, l'œuvre est créditée par Nino Nardini. J'apprends bien plus tard par la veuve de Roger Roger, Eva Roger, qu'en fait, le morceau était de Roger Roger, mais que c'était très fréquent que finalement, les deux se passent des compositions comme ça de l'un à l'autre. Celle-ci s'appelle « Catch That Man », autrement dit « Attraper cet homme ». Et vous allez voir, tout est dans ce titre-là. Toute la cinétique, toute l'énergie de ce morceau vise effectivement à accompagner une scène de poursuite, de jeu de cache-cache dans un film qu'on devine comme ça, un petit peu une sorte de thriller, mais néanmoins calme. On n'est pas non plus dans quelque chose de trop expressif. On est toujours dans la fin des années 60, en 67 exactement. Et... vous voyez, ça devient déjà un petit peu moins ringard que ce qu'on vient d'entendre. Donc ces musiques-là, ce n'est pas des musiques de post-production, c'est tout le contraire, c'est de la pré-production. C'est-à-dire qu'elles s'entassent par milliers et kilomètres de bandes sur des étagères, bah en attendant que quelqu'un veuille bien les prendre justement pour illustrer son générique de film, son générique radio, sa scène de poursuite, sa scène d'action, sa scène d'amour, sa scène sentimentale. Enfin, tous les registres y passent, évidemment. Alors tous les registres y passent dans les genres de l'émotion, hein, d'où cette appellation mood music, hein, musique d'humeur que courront les Anglais. Mais ces musiques-là se doivent aussi d'être directement en résonance avec les styles du moment. On est en 1967. Je vais sauter deux ou trois courtes petites années pour aller en 1970. Et vous allez voir que tout d'un coup, le son change. Le psychédélisme est passé par là. Et ces compositeurs en blouse blanche et en costume cravate, parce qu'elle n'est pas imaginée que ce soit des chevelus qui prennent du LSD en secouant la tête, hein, c'est pas eux, ils sortent du conservatoire, ils sont propres sur eux, mais par contre, ils sont extrêmement inspirés par tous les délires psychédéliques qui peuvent se passer autour d'eux. En voici un exemple assez intéressant, un exemple italien, Stasio, confusionale, je le prononce très mal, mais si je le dis en français, tout le monde comprendra, État de confusion, un morceau de 1970. Alors, il n'est ni par Roger, il n'est pas de Roger Roger, il n'est pas plus de Nino Nardini. En fait, je ne vous dis pas de qui c'est. Vous allez essayer de le deviner. Mais si je vous dis que c'est italien, c'est déjà une bonne piste pour trouver. 1970. Thank you. qui est très très intriguant, non ? Et ce jusqu'à la dernière note, quoi. Ces éléments qui vont à la fois emprunter à une forme de psychédélisme, mais aussi remonter un peu à une forme de musique de recherche telle que développée dans les laboratoires acoustiques de la musique concrète en France, ou bien les recherches expérimentales électroniques en Italie. Et je vous disais qu'on était en Italie. Bah, le compositeur qu'on entendait, c'est probablement l'Italien qui a le plus rayonné dans les musiques de films de par le monde, c'est Ennio Morricone. Alors évidemment, ça n'a rien à voir, a priori, avec les grandes orchestrations de Morricone qu'on connaît. Mais justement, cette face cachée de Morricone est extrêmement passionnante. Alors il va la développer aussi dans des BO, et auquel cas, ce sera souvent sur des films à petit budget, auquel cas, évidemment, il n'y aura pas les moyens de rameuter un orchestre symphonique. Donc Morricone va en profiter pour dire, bon, bah, OK, bricolons un petit peu avec l'électronique, avec ces assemblages de bandes, de copier-coller, parfois d'inversion, de rotation. Enfin, il y a un jeu comme ça, extrêmement à la fois ludique et savant, qui s'est développé dans les laboratoires acoustiques, dans les studios de radio, depuis déjà la fin des années 40, ce jeu-là. Mais évidemment, ce n'est pas une musique à fortiori populaire. Mais du coup, qu'elle puisse intégrer comme ça, bah justement, le populaire par le biais d'un générique télé ou autre chose, ça offre tout d'un coup une voie de sortie intéressante. Et après coup, on se rend compte que la musique d'illustration, bah OK, elle n'est peut-être pas si ringarde que ça, elle a été le creuset d'expérimentation étonnante. Et c'est typiquement le cas ici avec ces Morricone-là. Ce qui est amusant, c'est qu'à l'époque, les auteurs ne sont même pas crédités. Alors, ils sont quand même rétribués en droit d'auteur. Ils sont éventuellement crédités, mais sort pas quand sort un film avec la BO de Morricone, là, elle est dûment identifiée. Mais quand il y a un petit bout comme ça qui va être utilisé, et là, on l'écoutait in extenso sur 2030, mais si ça se trouve sur un film dont on pourrait imaginer des humeurs un petit peu lysergiques avec quelqu'un qui a reçu un coup sur la tête ou qui a pris une boisson alcoolisée un peu trop forte, avec les murs qui tremblent, peut-être qu'une poignée de mesures sur 16 mesures suffirait à nous mettre dans l'ambiance. Et auquel cas, vous ne voyez pas le nom de Ennio Morricone apparaître. Par contre, effectivement, il sera bien rétribué pour ça. Donc, cette obligation à être à la fois dans les humeurs de l'époque, et puis les humeurs personnelles, fait qu'on touche à tout. 70, bah, c'est aussi, nous a-t-on dit, les grands moments de la libération sexuelle. Donc bah, libérons-nous, et y compris dans les musiques. Et cette fois-ci, c'est Jerzy Malazak que je vais vous faire entendre, et lui, c'est un auteur tchèque, et qui nous livre ce Erotica sur 1 minute et 9 secondes. C'est bref, mais c'est intense. Hein. On ne peut pas le contredire. Voilà, petit échantillon de la musique d'illustration qui compte des milliers de références. Et des milliers, des milliers, des milliers de références. Ah, le jeu le plus intéressant, c'est trouver des piles de disques de musique d'illustration. À un moment, ils étaient jetés par palette par les services de radio qui n'en voulaient plus. Et puis après, aller pièce par pièce écouter la perle éventuelle qui peut se glisser en dessous. Parce qu'effectivement, c'est un domaine où finalement l'exception est rare par définition, mais finalement, on la trouve. Et alors, couronnement de cette exception, c'est le disque dont j'ai parlé là. Et c'est probablement les deux personnages les plus intéressants de la musique d'illustration que sont Roger Roger et Nino Nardini. Donc avant d'arriver au Jungle Obsession, qu'on va écouter in extenso tout à l'heure, Nino Nardini et Roger Roger sont sur les mêmes bancs d'école quand ils sont lycéens. Une amitié incroyable se lie entre eux et qui ne se démentera pas. Alors, amitié qui va aller jusqu'au point que Nino Nardini va épouser la mère de Roger Roger. Donc ça, c'est un sens de l'amitié assez rare. Statistiquement, pas très répandu, je crois. Bon, ça en dit assez long. Et bien sûr, alors voilà, le copain devient le gendre ou le beau-père, enfin réciproquement. Ce qui est, évidemment, c'est pas marqué dans leur biographie, mais on est obligé quand même de s'interroger un petit peu sur ça. La carrière de l'un et l'autre est complètement incroyable. C'est celle de Roger Roger qui est peut-être la plus impressionnante. Alors, c'est quelqu'un dont le grand orchestre va être derrière Édith Piaf, derrière Charles Trenet. Alors, on parle des années 40 et 50. On doit à Roger Roger, et c'est une de ses premières grandes illustrations de musique de film, la scène musicale, la scène de pantomime absolument superbe des Enfants du Paradis. Il y a une musique très belle dessus et qui est devenue un classique. Alors, on parle de classique du cinéma là, à ce niveau-là, finalement, surtout quand on parle du film de Carnet, donc Les Enfants du Paradis. La musique qui est derrière, c'est une composition de Roger Roger. Donc, Roger Roger a, me disait Eva Roger, sa femme, des milliers, en fait, plus de 10 000, j'exagère pas, le chiffre est vrai, plus de 10 000 titres licenciés à la SACEM. Vous vous rendez compte, c'est totalement, enfin, on n'y croit pas. Alors en fait, maintenant, clarifions les choses. Sur ces 10 000 titres, il doit y en avoir au moins la moitié qui sont pas même des titres, sont des jingles, sont des virgules sonores, des trucs qui font zzzz, voilà. Ben, ça suffit à le licencier. Et il est même fort probable que Roger Roger, tout comme Nino Nardini, ait finalement gagné beaucoup plus d'argent dans ces petits exercices de jingles extrêmement courts. On ne parlait pas de sound design à l'époque, mais enfin, ça en était déjà, que dans des exercices de composition plus élaborés, comme ce qu'on va entendre là. Chez Nino Nardini, le chemin est complètement similaire. Chez l'un, Roger Roger, lui, va être le responsable du département musique légère de la RTF d'alors, donc c'est avant l'ORTF. Et dans les mémoires de la RTF, on a plaisir à citer... la musique concrète qui naît sous l'impulsion de Pierre Schaeffer, très vite rejoint par Pierre Henry, à la toute fin des années 40. Ça commence en 48, ça se développe en 50, 60. Et là, il y a une fierté hexagonale et totalement légitime à avoir inventé un procédé qui va nourrir la musique électronique et des recherches qui courent encore jusqu'à aujourd'hui. Donc oui, bravo pour ce génie français de l'avant-garde. Mais il y a eu un génie français de... Alors l'arrière-garde, je me permets ce mot-là, justement avec ce département des musiques légères qu'on a tôt fait d'oublier. Je reviens à cette définition que je donnais de la musique illustration comme étant une musique honteuse. Et enfin, elle ne l'est plus, mais je dirais un petit peu pourquoi tout à l'heure. Parce qu'effectivement, ça paraît ridicule d'avoir un catalogue de musique légère, quoi. Mais bon, ça se trouvera un petit peu partout. Et donc Roger Roger, lui, il a la tête de ce catalogue-là, j'ai dit Radio France. Enfin, c'est Radio France avant Radio France, mais c'est ça. Et même chose du côté de Nino Nardini, qui est à la fois le meilleur copain, mais aussi un peu le rival, à RTL. Sur un département, lui, qui s'appelle autrement. Cependant, les deux compères vont développer pour l'un un sens de l'orchestration assez affiné, c'est Roger Roger. Nino Nardini, lui, va être plus la tête chercheuse. Et c'est lui qui va faire peut-être le plus de musique électronique. Et finalement, conjuguer les deux. Et le disque, maintenant, qu'on va découvrir, Jungle Obsession, c'est exactement ça. Et Jungle Obsession répond à un cahier des charges, comme à peu près tous les disques de cette époque-là. En tout cas, des catalogues dits de musique d'illustration. Et là, il s'agissait d'être exotique, d'être polyrythmique, mais privilégier des atmosphères plutôt que des rythmes endiablés. Le disque Jungle Obsession paraît sur un label français qui s'appelle Neuilly. Voilà, tout est dit. C'est peut-être l'un des disques qui a été le plus édité, dans le sens où je crois qu'il y a eu officiellement 500 copies. C'est rien, 500 copies. Mais le pire, c'est que dans la musique d'illustration, 500 copies, c'est plutôt beaucoup. En général, on est plutôt dans l'ordre de 200 à 300 copies. Donc celui-ci, à 500 copies, a été pas mal demandé et a pu acquérir au fur et à mesure de ces quelques années, d'année en année, ces lettres de noblesse. Je vérifiais juste la cote du disque avant de partir. Il est à 600 $ aujourd'hui quand même. Et je vous promets que s'il y a 15 ans ou 10 ans, vous ramassiez ce disque, enfin, si vous le preniez chez un disquaire, il vous donnait peut-être même de l'argent pour dire « oui, débarrassez-moi de ces merdes ». Donc les mœurs ont changé. Je peux vous dire pourquoi, d'ailleurs. Hein. C'est parce que les DJ se sont enquéris, finalement, de ces musiques qui étaient justement un petit peu cachées et ont su dégoter la mesure, voire le quart de mesure intéressant pour pouvoir prendre le son à échantillonner qui fera la différence. Et là, tout d'un coup, s'ouvraient des champs relativement incroyables. Donc on a découvert derrière le tas de boue des perles rares. Jungle Obsession en fait partie. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est que ce disque devient un concept album. Alors on peut tout à fait se dire que la musique d'illustration, bah, c'est une musique concept depuis le début, puisqu'il s'agit effectivement de coller à une histoire, à une idée, au moins un thème, avec une musique qui puisse s'y ramener et être comme ça compréhensible de tous. Mais enfin, c'était dans la musique d'illustration, fait de manière extrêmement premier degré. A priori, sans poésie, on n'était pas là pour ça. Mais finalement, dans ce disque, on va arriver à une forme de poésie un petit peu étonnante. On est dans un registre clairement exotique, autrement dit clairement exotica. Le genre exotica est un genre pas français à la base. Il est, c'est très américain, l'exotica. C'est un truc des années 50-60, un peu des années 70, mais ça décline à ce moment-là. Et je pense à des compositeurs comme Martin Dennis. Oui, c'est un petit peu le papa du genre. Les Baxter, c'est des gens qui ont composé au moins 100, si ce n'est 200, musiques de films pour Hollywood. Mais qui ont aussi été derrière des personnalités un peu étranges, easy listening, qui ont pu se distinguer à l'époque, comme Ima Sumac, par exemple. Chanteuse dite Inca avec 5 octaves dans la voix. Donc une forme de prodige vocal quand même assez rare. Bon, en fait, en guise de chanteuse Inca, des descendantes d'une supposée royauté Inca ou Aztèque, Ima Sumac est née à Brooklyn, d'origine juive. Elle a certes 5 octaves dans la voix, mais enfin, on est dans une musique, comment dire, où tout se fabrique, où tout s'invente. Et oui, il faut le dire, rien n'est légitime. L'exotica, au même titre que finalement la musique d'illustration, joue comme ça de motifs un petit peu ringards, fait finalement une fausse musique ethnique, mais à grand renfort de percussions, de bruits d'animaux dans les arbres et de cris de singes, par exemple. Donc on arrive à quelque chose comme ça, plutôt kitsch, et qui n'a rien à voir avec une vraie musique traditionnelle enregistrée en Afrique ou en Amérique centrale ou quoi que ce soit. Pour parler méchamment, finalement, c'est une musique de noir faite par des blancs. Mais avec ce second degré volontaire, et ça va être le cas dans le disque qu'on entend, c'était beaucoup le cas chez Les Bacteurs et Denis aussi, avec quand même un grand renfort de cordes du mois arrangées, d'orchestration quand même très très chiadée. Et le coup de force du disque qu'on va entendre là, c'est que ça va mélanger le chaud et le froid. D'habitude, bah non, faut que ce soit chaud, faut que ce soit froid, faut que ce soit blanc, faut que ce soit noir. On évite comme ça la nuance. Mais Roger et Nino Nardini peuvent se le permettre, et du coup vont flirter autour de ces motifs exotiques, pas mal de synthé. Et puis une guitare wah-wah, comme ça, un peu lente. Donc la guitare wah-wah, c'est une expression qui appartient plutôt au rock et d'une certaine manière au psychédélisme aussi. Donc il y a comme ça ces humeurs qui ne sont plus une humeur ou une autre. C'est toutes ces humeurs qui se mélangent un petit peu. Et vous allez voir en conclusion, d'ailleurs on écoutera même un morceau hors de ce champ-là qui est lui encore plus ébouriffant. Mais place à celui dont je vais faire un petit peu l'honneur aujourd'hui, ce fameux... Jungle Obsession. Donc le disque sort en 1971. Oui, je le disais, sur le label d'origine, donc Neuilly. Il a connu quand même quelques rééditions par la suite. Et la plupart de ces artistes sont dûment compilés, donc on les trouve quand même plus facilement aujourd'hui. La rareté d'hier n'est plus tout à fait celle d'aujourd'hui. Par contre, le marché des collectionneurs pour les originaux alors, a ultra, ultra, ultra décuplé. Voilà, on va écouter une extension cet album. Il est court, hein, il fait une trentaine de minutes. Les titres ont tout, là aussi disent tout. Il y en a un qui s'appelle Mowgli, l'autre Maghera, Bagheera par contre, Shere Khan. Alors justement, le Bagheera, ils l'ont changé en Maghera parce qu'il y avait quand même un tout petit peu, il y avait un copier-coller un petit peu trop évident avec le livre de la jungle. Bon, et Mowgli, ils l'ont écrit différemment. Ça s'écrit Mowgli au lieu de s'écrire Mowgli. Voilà. Bally Girl, Tropical Call, Jungle Mystery, Tropicala. Voilà. On sait où on est, quoi. Bienvenue dans cette jungle obsessionnelle. Mais vous allez voir, elle est pleine délices. On écoute in extenso, puis on se retrouve juste après. Thank you. Thank you. Thank you. Oui, parfait indicatif de fin. Hein. C'est qu'on s'échappe comme ça de la jungle donc luxuriante de Roger et Nino Nardini sur ce disque donc Jungle Obsession, 1971. Je reste subjugué encore aujourd'hui par deux choses en fait. D'abord, rarement musique aura revendiqué avec autant d'excellence finalement l'ersatz. Ce qu'on cherche de musique, c'est en général l'authenticité, finalement. C'est ce qui la rend belle, en plus d'être crédible. Finalement, là c'est le surfait, la pacotille qui fait la classe de ce qu'on entend ici. Et le pire, avec pour se réaliser, finalement, un débauche de luxe et de raffinement technologique comme très très peu de studios peuvent l'avoir à l'époque. Et quand je dis très peu, même y a guère qu'Abbey Road et des grands studios comme ça, qui accueillaient les Beatles, entre autres, pour signer des disques de légendes qu'on connaît, qui pouvaient rivaliser avec autant de matériel. En 1971, quand ce disque est fait, il est fait dans les studios personnels de Roger. Et bien sûr qu'il partage avec Nino Nardini. Ces studios, c'est tout simplement son château. C'est un château à Versailles, ok, ville des châteaux, on le sait bien. Enfin, il n'y en a pas non plus tant que ça. Celui de Roger, forcément un petit peu plus humble que l'autre bien plus connu. Et tout château a son parc. Ça marche comme ça à Versailles. Sous le parc du château de Roger se trouvent les studios. Plusieurs studios. Le plus grand d'entre eux peut contenir un philharmonique entier. Et autour, d'autres studios. Sur lequel Roger, ses invités, parmi eux des musiciens d'ailleurs de session absolument légendaires. Enfin, tous ces musiciens sont ultra pros. Quand bien même ils mettent pas leur nom en avant, ils sont ultra pros. Et puis je vous rappelle qu'ils cachent tonnes pour des cachets colossaux. Donc ça peut nourrir par ailleurs leurs expérimentations parallèles, en général faites sous un autre nom. Hein. Et il n'y a guère que Roger et Nino Nardini qui ne vont pas s'embêter à faire justement du jazz underground ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, ils ont tout à leur service. Je vais vous offrir une bonus track, finalement, comme un film, on met comme ça la dernière pièce, qui est hors du contexte, enfin, apparemment, et finalement, vous allez voir, pas tant que ça. Et c'est Nino Nardini seul. En tout cas, c'est signé Nino Nardini. C'est juste un an après, en 1972, où il va répondre à un cahier des charges qui est pratiquement le même que ce qu'on a entendu là. C'est-à-dire quelque chose d'exotique, mais centré sur l'Afrique et le rythme. Il va donc composer pour un catalogue Chappell et la division Southern de Chappell. Alors, c'est un catalogue anglais. Il faut voir que beaucoup de ces musiciens vont aisément d'un catalogue italien, français et anglais dans la même année. Il n'y a pas comme ça de copyright gardé sur un label. Ça ne marche pas comme ça. Ce qui permet finalement à ces gens de s'exprimer comme ça dans plein de registres différents. Et parfois d'ailleurs en multipliant les pseudonymes. Là, c'est toujours sur le nom de Nino Nardini qui va donc signer cet Afrobeat. C'est intéressant, le mot Afrobeat n'est pas même dans l'air. Afrobeat, c'est ce qu'on va définir la musique de Fela, notamment, d'influence un peu ghanéenne, mais après spécialement nigériane, on parlera d'Afrobeat pratiquement à ce moment-là. Mais Nino Nardini nous fait, vous allez voir, son Afrobeat. Ce morceau est juste colossal. Mais vraiment, quand je dis colossal, c'est étourdissant. On va retrouver les éléments qu'on entendait là, mais de manière totalement explosée, quasi saturée, avec des guitares acérées, mais quand même, on l'a entendu peu après, des riffs de synthé extrêmement cinglants, une basse avec une compression et notamment une saturation sur la basse, relativement rare, même dans le rock le plus acerbe. Quoi. C'est des choses qu'on entendait chez O'Quinn, qu'on entendra après chez Motorhead, et qui sont là, faits par un gars en costume cravate avec comme image de presse officielle une photo faite chez Harcourt. Donc il faut imaginer la dichotomie incroyable entre ce que sont ces personnes, ce qu'ils représentent, et parfois des morceaux extraterrestres qu'ils peuvent faire, comme cet Afrobeat. Vous allez voir, ça déménage. Ah, c'est quelque chose. Je suis toujours aussi secoué par ça. Parce que, répétons que Nino Dardini et Roger Auger, ils n'ont rien inventé. Ils sont des têtes chercheuses. Ils vont piquer à droite et à gauche. Waouh, ce sont de Led Zeppelin, Jimmy Page. Oui, oui, tiens, on va s'inspirer de ça. Tiens, entre guillemets, d'ailleurs, Jimmy Page a fait de la library music. En tout cas, il a été musicien de session dans la library music sur le catalogue Chapelle. Des petites choses à savoir, comme ça. En France, Bernard Lubat aussi, Michel Portal. Pour cachetonner, hein, c'est, la raison est toute simple. Voilà. Mais eux, en tant que compositeurs, ben voilà, il faut qu'ils cherchent le son un peu. Et leur génie à eux, je le répète, parce que c'est ça qui, ce morceau est encore plus flagrant peut-être que Jungle Obsession, c'est de faire caracoler et se rencontrer finalement des genres qui n'étaient pas du tout faits pour croiser le même chemin et faire cohabiter ça dans des trucs complètement fusionnels et de manière à la fois expressive, jubilatoire, quoi. Et quand on sait que forcément, pour arriver à faire un morceau comme ça, ils en ont fait au moins 500 qui étaient finalement complètement caca, quoi, pardon pour le mot, c'est d'autant plus méritoire, quoi. Voilà, donc j'ai essayé de vous offrir aujourd'hui finalement que la crème de la crème, mais même le caca finalement de la musique d'illustration, vous verrez, il a quelque chose d'un peu savoureux, hein, parce que finalement le mauvais goût d'hier devient le kitsch d'aujourd'hui, hein, donc on y trouvera certainement du plaisir. Voilà. Bah merci en tout cas de votre attention. S'il y a des questions vis-à-vis de ça, alors bien sûr, discutons-en. Je suis prêt à discuter de ça avec vous. Des questions, des impressions. Non, alors il y en a des tonnes. Il y a le générique de Jean Nohain, par exemple. Alors c'était Ancestral. Qu'avait fait Roger. Il y a des compositeurs maison aussi, alors là, c'en est un autre, mais qui avait fait le fameux les Maîtres du Mystère, avec un Térémine comme ça, un petit peu angoissant, qui signait finalement un générique très régulier. Et encore, là, c'est finalement pour des trucs où on va dûment identifier effectivement le compositeur, parce que quand même, mais la plupart du temps, le nom n'est même pas cité. Et puis ils s'en foutent, les compositeurs. La question, elle n'est pas là. Jungle Obsession fait un petit peu exception, parce qu'effectivement, c'est le concept album d'un truc. Je ne crois pas que ça ait été utilisé dans un film. Je ne crois pas. Et finalement, les trucs les plus barjots, et donc les plus intéressants, n'ont pas été utilisés dans des films. L'intérêt n'est pas là, pratiquement, j'ai envie de dire. Parce que les gens qui vont sélectionner la musique de film, les gens qui vont sélectionner les génériques ou les musiques pour une pub, parce que la pub va être effectivement la grosse consommatrice de ce marché-là, c'est pas des mélomanes. Et ils regardent juste le truc, ah oui, rythme rapide, polka, oh, son un peu rigolo, très bien, avec synthé, oh, c'est bien, synthé, c'est bien, c'est moderne. Ouais, ouais, on prend ça. Donc c'est déjà écrit sur les pochettes du disque, avec y compris la mesure en BPM. C'est très intéressant que, en fait, la musique d'illustration anticipe les codes de la DJ musique qui va lui suivre par la suite. Du coup, on prend le bras de la platine, les gars, ils écoutent quatre trucs là, top, top, top. Ah, c'est sympa, ça tient. On met de côté, ok, tac, tac, coco, on y revient. Voilà, c'est ça, c'est la musique à coco, ouais, vas-y, mets sur la pub. Donc, quand elle apparaît, en général, elle apparaît un peu déguisée, pas dans son intégrité. D'où le fait, d'ailleurs, que les morceaux qu'on écoutait en introduction du genre, pour que je situe un petit peu l'univers de la musique d'illustration, c'est des morceaux tous courts, ils font 2 minutes, 2 minutes 30. Et même dans Jungle Obsession, alors il se ferait là des morceaux de 3 minutes, 3 minutes et demie, ce qui est le standard d'une chanson pop finalement normale. C'est peut-être pas toujours vrai. Hein. Il y a eu, sinon on y prendrait la nuit, mais il y a eu quelques trucs franchement allumés aussi sur 6 ou 7 minutes, des espèces de grandes longueurs psychédéliques aussi, et avec parfois des noms de groupes complètement inventés. Sur lequel on voyait une pochette avec une Harley Davidson qui essayait de reproduire tant bien que mal l'univers finalement de j'ai un trou là, Fonda et le Born to be Wild, etc. C'est quoi le film que tout le monde connaît? Easy Rider, merci, évidemment. Et voilà, donc Easy Rider débarquant dans un paysage cinématographique et faisant l'effet qu'il fait. C'est un film générationnel, voire multigénérationnel. Les gars disent, oh tiens, non seulement on va imiter le son, mais on va imiter l'esthétique. Donc ils se mettent à faire des pochettes en inventant un nom de groupe où on voit la moto ou des Dizzy Rider à peine déguisés et puis des jeunes chevelus fumant une cigarette qu'on pourrait interpréter comme un joint. Mais enfin, attention, il ne faut pas être trop éloquent non plus. Et alors que ce sont les mêmes gars qu'on a entendus là qui se sont décidés à faire une musique dans le mois qui précède. Ils ont convoqué les meilleurs musiciens qu'il y avait autour et hop, ils lâchent le truc. Ils lâchent pas toujours bon, mais des fois, pouah, ça tombe comme ça. Voilà. Pour ajouter à mon propos, enfin le conclure peut-être, en fait, on est dans un âge d'or de la musique d'illustration, là. Et bah, l'âge d'or, c'est bien connu. Après l'âge d'or, souvent vient l'âge sombre. Et la musique d'illustration, elle va, sans qu'elle disparaisse complètement, elle va décliner. Elle va faire appel à beaucoup moins de moyens. Parce qu'elle finalement, elle va pouvoir se contenter de. C'est, dans les années 80, vont voir émerger le producteur solitaire, le producteur autonome, qui va être juste encadré de quelques synthétiseurs, et puis plus encore dans les années 90 par un unique ordinateur, et puis et voilà, et quelques appareils à son, et bon, et puis des banques de sons, bardées de logiciels et choses comme ça. Et c'est étonnant parce que ça se retrouve même jusque dans les musiques de films, y compris hollywoodiennes des années 90, qui étaient toutes dégueulasses, enfin, ou presque. Alors, sauf évidemment celles des grands compositeurs, des John Barry, des John Williams, Morricone, qui étaient toujours là. Enfin, OK, il y avait quand même des. Là, il y avait des mastodontes qu'on ne pouvait pas déboulonner. Hein. Et heureusement, d'ailleurs. Mais dans d'autres registres, un tout petit peu moins luxueux, les musiques de films, ça naît toutes de la même manière. Alors que ce n'était plus de la musique d'illustration. Il n'était plus question d'utiliser la même, parce que ce son-là, qui correspond à quelque chose qu'on recherchait dans les années 70, précisément en 1972, en 74, tout d'un coup, c'est un autre son qu'on veut. Donc, obsolescence obligée de ces titres-là. Finalement, ces redécouvertes, on les doit aux DJ qui vont s'inspirer de cette obsolescence-là et de ce côté kitsch, finalement, d'hier et qui fait la saveur d'aujourd'hui. C'est là qu'ils vont trouver le grain de truc. Et c'est eux qui réhabilitent ça, évidemment. C'est pas le cinéma, c'est pas les autres. Mais pour revenir aux usages et à la consommation d'une musique d'illustration qui va se déliter, comme je le disais, dans les années 90, c'est parce que finalement, avec probablement plus de cynisme, les compositeurs vont se mettre avec l'ordinateur à travailler avec des banques de sons, des banques de samples extrêmement conséquentes, avec une puissance informatique aussi très, très, très conséquente. Et comme ça, faire presque du jour au lendemain, parce que la volonté du producteur veut... C'est le son dans le cinéma, et spécialement la musique, c'est la dernière roue du carrosse. Et en général, le truc est fini. Oh, bah, vite fait, vite une musique, une fois un truc, une fois un truc. Comme dans ces cas-là, l'usage n'était plus d'aller chercher dans des musiques pré-produites et voir ce qui pouvait coller au son, mais on demandait au larbin de service, quand même un petit peu intelligent et doué en musique, de faire une composition express. Une fois qu'elle était validée par le producteur, bien plus souvent le producteur que le réalisateur. Dans ces cas-là, on s'empressait d'aller faire enregistrer la musique par un philharmonique. Et en général, dans un philharmonique des pays de l'Est, à Prague, etc., où c'est bien sûr beaucoup moins cher que de le faire aux États-Unis, par exemple. La musique de film américaine a énormément marché comme ça, mais jusqu'aux années 90 incluses, quoi. Et fort heureusement, le truc change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me rends compte que la musique de film redevient beaucoup plus aventureuse, avec des vraies signatures. Elle est beaucoup moins cynique et elle est largement plus intéressante. Ça, c'est un autre sujet, mais il y a eu un âge d'or, il y a eu un âge sombre, et là, je pense qu'on redevient. Mais là, il n'est plus question de musique d'illustration, il est question de compositeurs hein, qui sont d'ailleurs exprimés dans des chants parfois très free, très rock, voire noise, et qui vont à un moment, paf, appliquer leur truc à la demande et qui vont être recherchés pour leurs compétences, pour là, signer là-bas. La bande son qui tue, quoi. Je pense à Hernandez, par exemple. Enfin, il y en a pas mal. Il y a Mika Levy qui... oui, c'est Mika Levy, parce que c'est une anglaise absolument prodigieuse. Elle signe des bandes-sons absolument incroyables. Et par ailleurs, elle fait un groupe qui s'appelle Mikachu on the Shapes. Voilà. À l'occasion, écoutez ça. C'est la bande-son, notamment, du film Monos, mais qui est resté quand même très, très, très souterrain, qui était sorti il y a 2 ans maintenant, mais je pense à un film plus connu. Alors c'est pareil, j'ai un trou, mais si l'un d'entre vous va m'aider. Ah ouais, voilà, j'ai un double trou. Bon, bah, je vais me noyer dans le trou. Enfin, notez ce nom de Mika Levy qui est quand même très très intéressant. Under My Skin, voilà, le film Under My Skin qui a fait un peu sensation. Un film comme ça, à la fois un film d'auteur, hein, volonté expérimentale, mais qui a touché un public assez large parce que son actrice bien connue, là, qui fait très Hollywood. merci Scarlett Johansson, il y a quand même prêté un rôle très fort, quoi. Et bien sûr, en plus, elle a, avec sa notoriété, elle a largement défendu le film. Voilà. Et le film a marqué aussi par ce son, voilà. Son. D'autres impressions, d'autres questions ? Merci pour le Scarlett Johansson, ça ne me revenait pas. C'est parmi les Anglais que je n'ai pas parlé. Ah, ah. Les Anglais, il y en a des très bons aussi. Bien sûr, Doctor Who. Ouais. Complètement. C'est un coup de génie de la musique d'illustration et de la musique d'illustration faite maison. Alors je m'explique. Faite maison, c'est-à-dire que on le doit en fait au BBC Radiophonic Workshop. La BBC s'est dotée de son propre service de recherche sonore. Et en fait, a voulu imiter exactement ce qu'avait créé Pierre Schaeffer en France avec le GRM, le groupe de recherche musicale. Mais là, le groupe de recherche musicale était totalement dédouané, en tout cas en large partie, d'obligations de rentabilité, parce que faire un générique pour tel truc, tel machin, et laissant libre cours à des compositeurs comme Bernard Parmigiani, Pierre Henry, pour l'un des plus connus, mais il y en avait quelques autres. Chez les Anglais, il n'y avait pas cette marge-là. Ils étaient dans cette logique de musicomètre, finalement. Voilà. Un mètre de film, un mètre de musique, un mètre de générique, un mètre de son. Et les BBC Radiophonic Workshop, alors mentorés d'ailleurs, il faut le signaler, par une femme, attention, c'est un milieu super masculin, ça, qui s'appelait Delia Derbyshire, effectivement, ont fait cette association miraculeuse et qui tient encore entre un groupe de recherche qui manipule la bande, qui bidouille des primo synthés, on est en 63, je pense, pour le premier Doctor Who, et un orchestre, évidemment, avec une composition qui avait été signée par quelqu'un qui venait de la musique d'illustration. Et donc, voilà, c'est cette espèce d'union des deux qui a créé, effectivement, durablement, un générique solide comme tout. Il y a des génériques très forts, hein, chez les Anglais. Alors, il y a celui, c'est une belle histoire, un peu cocasse, d'ailleurs, le générique du Prisonnier, de la série Le Prisonnier. Ça a marqué des esprits, ça en marque encore. Je crois durablement. Je ne vais pas dire devant tout le monde que c'est la meilleure série du monde, mais enfin, on a le droit de le penser. Elle a un générique incroyable. Ce générique est signé, je ne sais pas par qui, mais un Anglais voilà, connu. Enfin, connu dans le milieu. Mais en fait, c'est Roger qui a fait le générique. Et c'est prouvé. Hein, il, d'ailleurs, alors s'il n'a pas été crédité, il a quand même eu les droits d'auteur du truc. Mais il est a priori pas rare qu'il y ait eu comme ça des morceaux qui se passent d'une main à l'autre, et alors du coup des copyrights qui ne soient pas validés au bon endroit. Ça avait l'air relativement fréquent. Je tiens beaucoup d'informations comme ça de Eva Roger, la veuve de Roger Roger. Elle est extraordinairement fantasque. Enfin, elle est morte maintenant. Et je lui dois énormément d'anecdotes. Mais je dois dire qu'elle est tellement volubile et tellement amoureuse de la mémoire de son mari que par moments, j'avais l'impression qu'elle allait me dire que la cinquième de Beethoven était faite par son mari et pas par lui. Donc je parle un peu au conditionnel sur ce qu'elle m'a dit. Mais voilà. Mais par contre, il y a quand même beaucoup d'informations qui se sont avérées vraies. Il y a quelqu'un qui s'appelle Barry Seven. C'est typiquement la génération des artistes qui se sont illustrés dans la musique électronique, dans la techno qui apparaît dans les années 90 et qui a été un des compilateurs d'une série qui s'appelle Connectors. Il en a fait un volume 1, un volume 2. Et il avait été vendeur de disques. Et il me disait que voilà, son premier souvenir de la Library Music, il me disait, c'est 600 putains de disques que je vais mettre à l'arrière de ma voiture. Il va les acheter pour 100 balles auprès de quelqu'un qui s'en débarrasse. Voilà, 610 dans votre coffre de voiture, croyez-moi, si c'est une Mini Austin, vous roulez sur la pneu arrière, quoi. Donc, il rapporte ça chez lui, et puis là, il se dit, wow, qu'est-ce que je fais avec cette merde? Et puis là, oh, oui, tiens, c'est pas mal. Et puis, petit à petit, il dépiote comme ça les perles, finalement. Mais après, passé par pas mal de conneries, finalement. Et il avait pu, comme ça, se faire une distinction entre la musique anglaise, la musique française, la musique italienne. Et lui, qui au départ était très branché plutôt sur la musique anglaise, c'est celle qui faisait le plus facilement appel justement à des guitares saturées, à des ambiances un petit peu psychédéliques, comme celle qu'on a pu entendre là, il trouvait encore plus de charme à la musique française et italienne, parce qu'elle allait justement sur de la bidouille électronique. Elle avait cet héritage de la musique concrète, de l'électroacoustique, de même que les Italiens, ils citaient Luigi Nono, qui pouvait être une influence finalement importante pour les gens de cet acabit-là, quoi. Donc j'aimais bien la distinction qu'il a pu faire. Et on lui doit d'ailleurs deux compilations, et la deuxième, elle est uniquement faite sur le réseau italien. Le passage d'Ennio Morricone, que je vous ai fait écouter tout à l'heure, c'est lui qui l'avait déniché comme ça. Donc voilà. Il y a un autre gars qui a fait une très belle compile, et puis elle est parfaite pour ouvrir, pour s'ouvrir les yeux avec un panachage comme ça assez bon. C'est Luc Weibert. Voilà, donc copain d'Aphex Twin, Richard James, c'est un petit peu cette bande-là. Signé sur le label Reflex, entre autres, et quelques autres. Finalement, les artistes techno partagent, comme les artistes, les compositeurs de la Library Music, le fait de pouvoir aller facilement d'un label à l'autre. Et lui a fait une excellente compile qui s'appelle Nuggets, et qui vaut le coup aussi. C'est des choses qui se trouvent, donc je vous recommande d'y jeter une oreille. Parce que là, vous aurez des panoramas assez doudingues aussi de ce qui peut se faire dans le genre de la musique d'illustration. Pas mal de Roger et de Nino Dardini, hein, ça restait des stars. Un autre gars connu s'appelle Cécile Lutter. En fait, Cécile Lutter, c'est Roger. Voilà. oui. Bah, déjà, s'appeler Roger, on se dit, bon, c'est bon, t'aurais pu choisir un meilleur pseudo. Non, pardon, j'ai rien choisi. C'est quoi le pseudo? Donc voilà, alors il avait des parents déjà qui avaient un sens de l'humour plus ou moins placé. Non, mais il y a une folie chez ces gens-là. Eva Roger est l'arrière-petite-fille de Mendelssohn. Donc un compositeur, quand même, voilà. Je vous rappelle que Roger et Nino Dardini sont les meilleurs potes du monde, et Nino Dardini épouse la maman de Roger. Enfin, il y a quelque chose dans les gemmes de cette famille et dans le sang qui, de toute façon, les amène à l'exception. Quitte à passer par les choses les plus ahurissantes et les plus incroyables. Bon, alors, le fait que Roger devienne le beau-père de Nino Dardini, c'est vrai, hein, ça se vérifie dans l'état civil. Vous ne pouvez pas déconner là-dessus, vous ne pouvez pas dire des choses qui sont tellement incroyables. Mais après, il y a peut-être des légendes qui ont rattrapé la réalité, puis qui l'ont un peu adouci sur certains angles. Eva Roger, moi, m'a garanti, et je sais d'une source à peu près sûre qu'elle a dû un peu délirer sur ce coup-là, que la très célèbre rengaine Popcorn, était de Roger. Voilà. Bah, c'est moi qui vous remercie.